premier temps d'une série sur les femmes artistes. Et ce matin, à l'avant-veille des Victoires de la musique classique, nous ouvrons la semaine sur les musiciennes et sur les compositrices. Demain, nous vous parlerons des femmes peintres et sculptrices. Mercredi, nous aborderons l'histoire des romancières et des écrivaines. Et jeudi, le documentaire de notre semaine retracera le parcours de la très grande chanteuse qu'était Renée Lebas. Et aujourd'hui, eh bien, avec l'historienne Mélanie Traversier, maîtresse de conférences à l'Université de Lille, membre de l'Institut Universitaire de France, qui a co-dirigé avec Alban Rameau « La musique a-t-elle un genre ?», qui sort la semaine prochaine aux éditions de la Sorbonne, nous allons nous poser la question, justement, de la place de ces musiciennes dans l'histoire de la musique, un livre collectif qui embrasse large, de la théorie à la pratique musicale, avec Mélanie Traversier, qui est spécialiste de l'opéra à Naples au XVIIIe siècle. Nous reviendrons donc sur l'invisibilisation des femmes musiciennes et compositrices. Un extrait d'un matin de printemps composé en 1917 par Lily Boulanger et interprété ici par l'ensemble Women Philharmonic. Bonjour à vous, Mélanie Traversier. Bonjour Emmanuel. Merci d'être avec nous. Alors, Lily Boulanger, c'est la première femme compositrice à obtenir le Grand Prix de Rome. C'est en 1913 pour sa cantate Faust et Hélène. Et c'est un des articles que l'on peut retrouver dans ce livre collectif donc que vous avez co-dirigé avec Alban Rameau, La musique a-t-elle un genre, qui sort la semaine prochaine aux éditions de la Sorbonne. Alors, parlez-nous un peu de Lily Boulanger et de son importance dans cette histoire des femmes dans la musique et dans la composition musicale. Je vous remercie, Emmanuel, d'ouvrir cette semaine, non seulement avec les musiciennes, mais plus particulièrement avec Lily Boulanger, parce que c'est vraiment une figure clé de l'histoire de la musique et de l'histoire des femmes musiciennes, et une figure, comme tant d'autres, oublié de l'histoire savante de la musique et de l'histoire des oreilles du grand public, en quelque sorte. Lily Boulanger est, comme sa sœur Nadia Boulanger, qui elle-même est légèrement plus connue, fille de musicien. Et la récompense qu'elle a obtenue en 1913, hein, ce premier prix de composition décerné à une femme, fait assurément date. Et pourtant, on a oublié son œuvre, et notamment cette cantate Faust et Hélène qui lui a valu ce prix de Rome. C'est Alexandre Robert qui, dans l'ouvrage collectif que j'ai dirigé avec Alban Rameau, consacre des pages absolument lumineuses à cet artiste. Et dans ces pages, Alexandre Robert essaye de déconstruire tous les discours stéréotypés qui assignent l'œuvre de Lily Boulanger à bien des caractères qui seraient profondément féminins au moment où l'œuvre est jouée à Paris, donc après l'annonce de ce prix remporté par Lily Boulanger. Donc forcément, Lily Boulanger est décrite comme attendrissante, elle est forcément gracieuse, et pourtant doivent relever les critiques, il faut relever la robustesse rarement familière à un âge et à un sexe si tendre. Donc, l'œuvre même composée par Lily Boulanger, eh bien, transgresse les normes de genre attendues d'une femme musicienne, quand bien même il y aurait des femmes musiciennes compositrices. Parce qu'il y a en fait un virilisme musical, une façon de voir justement la composition musicale, explique votre livre collectif La musique a-t-elle un genre, qui s'inscrit dans une longue tradition qui peut remonter même à la Grèce antique, au traité de musique de la Grèce antique, mais qui se durcit à certains moments, à des moments particuliers. Il y a un article fort intéressant sur la théorie de Jean-Philippe Rameau, un article de Raphaël Legrand sur le sexage des éléments musicaux, dans lequel on apprend effectivement qu'un théoricien de la musique comme Rameau peut considérer qu'il y a des musiques majeures et des modes majeurs et des modes mineurs, et que ces modes majeurs majeurs, évidemment, sont masculins. Il ne va pas jusqu'à dire que les modes mineurs sont féminins, mais néanmoins, il s'en approche de très près. Il y a la fragilité d'un côté, il y a la virilité et l'imposition des normes de l'autre. Et cela, c'est extrêmement intéressant. La virilité, la force, le brillant, le maître et le naturel, c'est du côté du mode majeur. Le mode mineur, c'est la faiblesse, la subordination, et puis une partie plus ou moins artificielle de la musique, Mélanie Traversier. Oui, il y a toujours eu un vocabulaire genré, on peut dire aussi sexé, qui a permis de décrire les motifs, les différentes formes musicales, et aussi d'assigner un genre aux instruments. Souvenons-nous que la muse de la musique... C'est Euterpe, vous évoquiez la Grèce antique. Euterpe, elle est flûtiste, elle joue de l'holos grec. Et pourtant, à partir de la Renaissance, au moins en tout cas dans les traités, à commencer dans le livre du courtisan, c'est assez évident, les instruments avant, la flûte en particulier, sont interdits en pratique, donc aux femmes. Alors, fort heureusement, les femmes ont pu être transgressives et il y a un certain nombre femmes qui se sont aventurées, qui ont fait carrière en pratiquant un instrument avant. On peut citer à la suite d'Imira Santana, que l'on retrouve également au sommaire, Beate Pokorny, une corniste qui fait une carrière remarquable dans les années 1770. On peut citer aussi la flûtiste Marianne Davis, qui est une figure que j'ai retrouvée dans mes enquêtes déjà anciennes sur Naples et l'Italie des Lumières. Donc toute une série de femmes qui ont déjoué ces interdits, qui ont été entendues, applaudies, encore au XVIIIe siècle, alors même que le discours et les normes sociales interdisaient ce type de pratique et assignaient tel ou tel instrument aux femmes et aux hommes. Vous avez publié récemment le journal d'une reine de Marie Calronine de Naples dans l'Italie des Lumières, ou dans la série des classiques de chez Champvallon. Et dans son journal, on retrouve cela à la date du 13 août 1785. Alors, c'est difficile à lire parce que la ponctuation est un peu particulière. Oui. Elle écrit en français, mais dans une langue un peu particulière. Je ne sais où j'ai fini ma relation du courrier, mais en tout cas, je reviens à la matinée après avoir beaucoup écrit et m'être levé de grand matin. J'allais à ma toilette. Le grand-duc, lui et elle, y intervinrent. Ensuite, les quatre archiducs vinrent me faire visite et me faire leurs compliments après la Gusius, nos gens de service, puis les quatre archiducesses, ensuite Albizi, Turne, Monigno, tous nos messieurs des officiers de marine. On dîna ensuite en famille, après j'allais m'occuper après. À 6 heures, on alla à la maison de Saint-Marc et mon frère, qui s'y trouva, ayant été la matinée pour affaire en ville, la linguesina joua un instrument appelé harmonica. Sa sœur chanta, après la coria improvisa très heureuse et agréablement. Ensuite, je petit jardin étant illuminé, on commença la musique et le sénateur Gianni fit entrer 2 douzaines de personnes entre hommes et femmes. La compagnie ne fut pas heureuse et un peu ennuyante. La soirée fut cruellement longue, je n'en pouvais. Quand enfin, à 10h30, on nous reconduisit et j'allais au lit sans voir de souper qu'on avait oublié de faire. Voici ce que raconte Marie-Caroline de Naples dans l'Italie des Lumières, donc dans votre ouvrage Mélanie Traversier chez Champvallon. Et donc on y trouve, au détour d'une phrase... Oui, c'est dur d'être une reine. Hein, c'est dur, voilà, ouais, c'est dur. On ne peut pas souper quand on veut, voilà. Etc. Mais ce 13 août 1785, elle assiste justement à un concert avec des concertistes femmes. Oui, le couple royal napolitain se trouve en ce moment-là en Italie du Nord, à la cour de Florence. Et évidemment, les soi-disant plaisirs du monde, pour reprendre une expression de Marie-Caroline de Naples, leur sont réservés, et notamment des concerts privés, on pourrait dire. Et alors là, on retrouve donc deux sœurs musiciennes, Cecilia Davis, qui est donc chanteuse, qui sera surnommée l'Inglesina. C'est une des rares chanteuses anglaises à avoir reçu le label italien, hein, c'est un passeport pour la célébrité évidemment. Et puis donc Marianne Davis, que j'évoquais déjà tout à l'heure, cette musicienne flûtiste et qui a été associée notamment à la promotion de cet instrument très étonnant qui m'occupe beaucoup actuellement, l'harmonica de verre que l'on doit à Benjamin Franklin. Et Marie-Caroline de Naples évoque aussi la poétesse Corilla, qui aurait toute sa place aussi dans cette semaine réservée réservée enfin aux femmes artistes, enfin, et je ne peux que m'en réjouir. Alors justement, si on avance dans cette histoire, on apprend donc que ces instruments avant sont théoriquement interdits aux femmes, mais qu'elles elles vont s'absoudre de cette interdiction, elles vont faire en sorte de pouvoir le pratiquer, qu'une flûtiste comme Mademoiselle Taillard, au concert spirituel en 1735, joue déjà donc devant un public, et qu'il y en a d'autres qui vont pratiquer cet instrument ou ces instruments avant. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on ne les voyait pas, ces compositrices. La plupart d'entre elles, d'ailleurs, n'ont pas été enregistrées. À partir du moment où on a commencé à mettre sur disque des morceaux de musique ancienne, on ne les voyait pas, on ne les entendait pas. Et donc, on était parti du principe, Mélanie Traversier, qu'elles n'existaient pas. Enfin, en tout cas, qu'il n'y en avait pas. Absolument. Sauf que quand on commence à les chercher... Eh bien, on en trouve dans les archives, des institutions musicales, dans les témoignages et parfois dans des sources absolument étonnantes. Je songe par exemple aux travaux de Sylvie Granger sur les musiciennes d'église qui sollicitent au moment de la vente des biens nationaux. Elles ont perdu leur emploi et elles sollicitent une aide des comités de salut public départementaux. Donc dans des sources qui n'ont rien à voir avec la musique, on peut reconstituer des parcours de musiciennes, identifier des musiciennes et mener des enquêtes qui ne sont pas que de l'ordre du parcours biographique, mais véritablement examiner des cohortes de musiciennes. Vous disiez, on ne les enregistrait pas. On les enregistre encore très peu. Oui, quand c'est ce que je veux dire. C'est à partir du moment où on invente le disque et qu'on a un support d'enregistrement, on pourrait penser effectivement qu'on rattrape une sorte de retard. Pas tellement, parce que lorsqu'on suit les derniers rapports, par exemple, produits par la SACD ou les enquêtes menées par la SACEM actuellement, qui fait un travail remarquable de promotion du reste des compositrices qui sont sociétaires de la SACEM. Je vous invite d'ailleurs à regarder l'expo en ligne sur les musiciennes de la SACEM, sur le site de la SACEM. Il y a très peu de compositrices qui sont programmées. 1%, je crois, relevait le dernier rapport « Où sont les femmes ?» de la SACD. Alors attention, hein, l'invisibilisation des femmes musiciennes, des compositrices, n'est pas propre à la musique, entre guillemets, classique. C'est une question. Les inégalités femmes-hommes, en termes de formation, en termes d'accès aux institutions, en termes de direction, en termes de programmation, qui touchent tous les genres de musique. Donc de la musique savante, classique, disons la plus ancienne historiquement, jusqu'aux musiques actuelles. Alors, je vous propose d'écouter un morceau, ça sera le seul d'ailleurs, d'un compositeur et non pas d'une compositrice, il s'appelle Gaetano Latilia. Mais nous aimons aussi les hommes compositeurs. Voilà, 1711-1788, compositeur napolitain, l'air de Romolo, un extrait de l'opéra baroque Romolo qui a été représenté au Théâtre des Dames de Rome en 1739 et interprété ici par le contre-ténor Flavio Speri Benedetti, mais composé à l'origine pour un castrat, le castrat italien Domenico Annibali di Domenichino. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Thank you. extrait de l'opéra baroque Romolo, bravo, bien joué. Je savais que j'allais le faire, c'est vraiment dommage. C'est une pique contre les castrats. Exactement. Gaetano Latilia, donc un compositeur napolitain. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'opéra napolitain, Mélanie Traversier, que vous êtes avec nous pour évoquer le travail collectif que vous avez co-dirigé avec Alban Rameau, qui paraît la semaine prochaine aux éditions de la Sorbonne. La musique a-t-elle un genre? Alors, si on continue sur cette histoire, et en particulier sur ce qui se passe à Naples, mais plus généralement en Italie, cette question des castrats a quand même quelque chose à voir avec l'invisibilisation des femmes. Les femmes, donc, n'ont pas théoriquement le droit de participer dans beaucoup d'États italiens, et en particulier dans la papauté, de participer aux célébrations et donc à la musique sacrée. Oui, cet interdit qui vise les voix de femmes en particulier a beaucoup fait pour la promotion des castrats, d'abord dans la chapelle pontificale, bien sûr, puis ensuite dans toutes les chapelles princières, puis les théâtres d'opéra européens, dès lors que l'opéra et les théâtres publics se sont multipliés à partir du XVIIe siècle. Et alors, c'est précisément en enquêtant sur les castrats, hein, c'est tête d'affiche de l'opéra napolitain. Et pas simplement Farinelli, mais oui, bien sûr, qui n'est que peut-être la figure emblématique de l'histoire sur la longue durée des castrats. Donc c'est en enquêtant sur les castrats, ces vedettes de l'opéra napolitain, que je me suis intéressée aux questions de genre. Oui, absolument. Puisque précisément, ils interrogent la bipartition binaire entre voix d'homme et voix de femme, et aussi leur physique est aussi peut-être tout à fait déroutant, en tout cas questionne les repères visuels habituels. Donc leur histoire est tout à fait singulière, leur voix lorsqu'ils arrivent à l'épanouir mêle les qualités de la voix d'homme, de la voix d'enfant, de la voix de femme, et leur stature mélange à la fois des caractères masculin supposé, mais aussi des rondeurs, on va dire, plus féminines. Alors, ce qui est extrêmement intéressant dans cet ouvrage collectif aux éditions de la Sorbonne, La musique a-t-elle un genre, c'est justement de réfléchir à ces liens entre théorie et pratique, parce qu'il y a à la fois une théorisation, là, la théorisation vient de l'Église. Il ne faut pas que les femmes puissent chanter à l'intérieur des offices sacrés, donc surtout pas la chapelle pontificale, mais dans beaucoup d'autres endroits. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a une théorisation et de l'autre côté, une pratique qui parfois était une pratique buissonnière, pourrait-on dire, une pratique qui prend ses aises à certains moments de l'histoire avec ses interdictions potentielles. Oui, c'est-à-dire qu'à partir du XVIIe siècle, comme le montre dans le volume Théodora Psychoiou, il y a véritablement une essentialisation des rapports de genre et une opposition qui est considérée comme essentielle entre le masculin et le féminin. Et cette essentialisation va de pair avec une hiérarchisation des caractères féminins et masculins, et évidemment le tout contribuant à dévaloriser des caractères supposément féminins. Et en même temps, dans les pratiques d'écoute, dans les pratiques de consommation musicale, les femmes, qu'elles soient musiciennes, mais aussi compositrices, arrivent à se creuser une place dans ce marché de la musique naissant. Et on retrouve dans le volume, par exemple, la figure de Catherine Jacquet de la Guerre, Elisabeth Jacquet de la Guerre, pardon. J'ai évoqué Catherine parce que c'est à Catherine Cessac que l'on doit ce chapitre. Catherine Cessac a été l'une des premières musicologues en France à s'intéresser à une musicienne compositrice. Et ce qui est très intéressant dans le volume, c'est qu'elle revient sur son regard de musicologue sur un compositeur ou une compositrice, et elle a toute une réflexion sur la difficulté qu'il y a à nommer et à quel point le vocabulaire qu'on emploie pour désigner les musiciens et aussi les musiciennes a des effets évidemment en termes des stéréotypes. Et cela fait un très bel écho avec la préface Eliane Viennot, spécialiste, s'il en est, des discours et des effets du discours genré sur bien nos pratiques aussi. Et cette préface est donc extrêmement intéressante parce qu'elle revient, Eliane Viendo, dans sa préface sur la difficulté de faire avancer cette étude sur cette question des femmes artistes, la difficulté de les faire reconnaître même au sein de l'université. Il a fallu bien une bonne vingtaine ou une trentaine d'années pour qu'on prenne cela en compte et qu'au bout du compte, des colloques, des journées d'études se déroulent et permettent justement de faire sortir de l'invisibilisation ces musiciens. Mais on parlera demain des artistes peintres et après-demain des autrices, c'est un peu la même chose. Oui, absolument. Alors, on doit d'abord les premiers travaux sur les musiciennes, peut-être à la sociologie. On peut évoquer ici les travaux, par exemple, de Hyacinthe Ravet ou de Marie Buscato sur le jazz. Hein. Je tiens vraiment à souligner le fait que, bien sûr, un certain nombre de contributions du volume portent sur la musique classique, la musique de chambre, mais les enjeux qui sont soulevés concernent véritablement tous les genres de musique d'hier et d'aujourd'hui. Et de fait, les femmes artistes, qu'elles soient musiciennes, autrices, peintres, cinéastes, ont subi en quelque sorte les mêmes processus d'invisibilisation, en tout cas de disqualification. Alors, il y a différentes strates, différents stades. Bon, l'oubli total, hein, comme ça, c'est le stade suprême de l'invisibilisation. Et puis, tout un mécanisme, tout un processus qui minore leur rôle dans l'histoire des arts. Alors, ça peut passer par la mise sous tutelle masculine, une artiste pouvant être réduite à être la sœur de, la fille de, l'épouse de, la muse de, la maîtresse de. Il y en a toute une série comme ça. On peut citer par exemple le cas de Germaine Taillefer, qui est évoquée dans l'ouvrage par Stéphane Etchari. Alors, Germaine Taillefer, magnifique compositrice, bien souvent c'est la muse, est réduite. La muse, la muse des six, la princesse des six, la mascotte des six. Donc elle, c'est la sixième. Les noms des cinq autres, donc Darius Milhaud, Louis Duret, Georges Auric, Arthur Honegger et Francis Poulenc et Germaine Taillefer. Effectivement, ils sont six dans ce groupe. Elle est la seule femme. Et effectivement, on la qualifie soit de muse, soit de princesse, soit de mascotte pour, d'une certaine façon, disons, minorer son travail. Oui, absolument. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que pour ses 80 ans, elle enregistre une très belle émission qui est pour France Musique, je crois, dans l'émission L'Heure des Connaisseurs, qu'on peut retrouver grâce aux archives de l'INA en 1972. Et alors, elle dit ceci, il y en a qui dit que le groupe des six se composait de cinq membres et d'une membrane. C'était moi qui avait l'honneur d'être la membrane, bien sûr. C'est épouvantable, mais c'est tout à fait révélateur de ce mécanisme de minorisation des femmes. Il y a aussi une façon, autre forme de dénigrement, de reléguer les femmes compositrices ou musiciennes à des genres supposés mineurs. Donc, surtout pas s'essayer à des genres ambitieux, comme la symphonie, par exemple, et plutôt se contenter de petites formes gracieuse, exquise, élégante, les cantates par exemple. Alors Fanny Mendelssohn, justement, sœur de Félix. Nachtigall. Elle a composé près de 250 leaders. Fanny Mendelssohn, généralement, on rappelle que c'est la sœur de Félix Mendelssohn, et celui-ci s'appelait donc Aus meinen Tränen sprichen. Je parle mal anglais, allemand, comme vous le savez, comme vous le voyez. Il est interprété ici par la soprano Barbara Bonnet, par la mezzo Angelica Kirchschlager. Alors, nous sommes avec vous, Mélanie Traversier, pour évoquer, en ouverture de notre semaine consacrée aux femmes artistes, les musiciennes et les compositrices. Alors, on a dit que si les musiciennes étaient souvent admises, un peu en contrebande, mais admises, parce que il fallait bien quelqu'un pour pratiquer, ou quelqu'une pour pratiquer la musique, les compositrices, c'était toujours un peu plus difficile, effectivement. Il y avait toujours une difficulté à même admettre qu'il puisse y avoir des compositeurs femmes. Vous avez cité tout à l'heure le cas d'Elisabeth Jacquet de Laguerre, qui est pourtant donc une auteure de la période de Louis XIV, extrêmement connue à l'époque, extrêmement renommée. Et c'est Catherine Cessac qui, dans le livre collectif que vous avez co-dirigé avec Alban Remaud aux éditions de la Sorbonne, « La musique a-t-elle un genre ?», parle d'elle. Et elle dit que c'est un phénomène unique de réussite musicale sous Louis XIV, et pourtant, qui se souvient d'Elisabeth Jacquet de Laguerre? Et a-t-on enregistré beaucoup d'œuvres d'Elisabeth Jacquet de Laguerre? Parce que ça fait partie aussi de la manière de rendre présent ou présente des compositrices de l'époque du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Oui, il s'agit aujourd'hui d'exhumer non seulement les parcours de ces femmes musiciennes, mais aussi leur répertoire. Il ne s'agit pas uniquement de dénoncer, le poids des stéréotypes, mais d'agir et de réagir. Alors là où chacun ou chacune se trouve, soit en termes de programmation, citons par exemple le festival Présence Féminine de Claire Baudin, qui depuis 2011 consacre son festival dans la région de Toulon à la promotion des femmes musiciennes et compositrices. Donc la prochaine édition a lieu en mars. Et puis si on est historien ou historienne de la musique, retrouver les œuvres, d'essayer de reconstituer des itinéraires, des carrières, pour notamment approcher éventuellement les singularités des carrières des musiciennes par rapport aux carrières des musiciens. Et c'est un petit peu aussi dans le sillage de ces actions communes que l'on peut mener, qui musicien, qui programmateur, qui historien, historienne, que nous organisons donc le 23 mars 2019 pour accompagner la sortie donc de l'ouvrage collectif, un concert à la Sorbonne, amphithéâtre Richelieu, entrée libre. Vous retrouvez toutes les infos sur le site de la Maison de la Radio et puis bien sûr sur le site des éditions de la Sorbonne. Et alors, dans ce concert, nous allons entendre le trio Sora, qui notamment interprétera Fanny Mendelssohn, mais aussi une pièce qui est en train d'achever, Michèle Reverdy, une des compositrices actuelles, Michèle Reverdy, qui compose une œuvre en hommage à Clara Schumann, une autre rare femme musicienne qui a résisté à l'oubli, dont le répertoire a résisté à l'oubli. Alors, il y en a une sur laquelle vous avez vous-même travaillé pour un livre collectif qui s'appelle L'Europe des femmes, et que je conseille absolument de lire, parce que c'est un livre qui permet de remettre à l'endroit, pourrait-on dire, s'il faut la remettre, l'histoire de l'Europe, en s'intéressant à des femmes qui ont eu une importance tout au long de cette histoire de l'Europe très grande et qu'on avait souvent négligé ou oublié. Vous revenez sur le cas de Maria Rosa Coccia. Vous pouvez nous dire qui est cette Maria Rosa Coccia et pourquoi elle est importante? On parlait tout à l'heure de Lili Boulanger, qui était la première femme compositrice à obtenir le Grand Prix de Rome en 1913. Mais elle était à Rome, bien avant Lili Boulanger, et elle a obtenu un prix, elle a passé un examen, et elle est entrée où? Alors, elle a effectivement été admise dans la congrégation Sainte-Cécile des musiciens romains, et également elle a obtenu, alors là c'est un sésame exceptionnel, une validation de talent tout à fait remarquable, à laquelle aspiraient tous les musiciens de cette époque, puisque le père Martini et ses collègues l'ont accepté comme membre de l'Académie philharmonique de Bologne, qui était véritablement l'instance d'accréditation des jeunes talents musiciens. Lorsqu'on étudie toute la la correspondance accumulée par le père Martini, on voit que aussi bien Mozart, Grétry, Michelevecek, tous veulent recevoir ce label passé par l'Académie de Bologne. Et donc Maria Rosa Coccia est l'une de ces rares musiciennes qui, au XVIIIe siècle, obtiennent ce Saint Graal. Mmh. Et pourtant, sa carrière ensuite a été très largement entravée par des interdits. Son œuvre a été complètement oubliée. Je crois qu'il y a un directeur d'une cathédrale de Narnie qui a porté plainte pour oui, avoir son été... Son talent a été sans cesse remis en cause, invalidé. Des musiciens, fort heureusement des pères, l'ont défendu. Mais voilà, elle n'a pas pu faire la carrière digne de son talent, à laquelle elle aurait pu véritablement aspirer. Elle termine abandonnée de tous, sollicitant dans la misère l'aide ultime de ses collègues de l'Académie Sainte-Cécile. Alors, je voudrais revenir sur l'Europe des femmes, parce qu'effectivement, j'avais consacré un chapitre à cette musicienne romaine dans l'Europe des femmes, qui est un ouvrage qui a été porté donc par l'équipe de Mnemosyne et par le Labex Écrire une nouvelle histoire de l'Europe. Alors, il faut expliquer que Mnemosyne, c'est un groupe de chercheuses et de chercheurs qui met en place, concrètement pourrait-on dire, une autre façon de voir l'histoire des femmes et du genre, avec en particulier un manuel d'histoire que les professeurs d'histoire peuvent se procurer. Oui, absolument. Et puis donc, Mnemosyne est aussi partenaire du concert du 23 mars. Nous avons aussi un prix en master du genre. Hein, et le prix 2018 a notamment été attribué au travail de Lucie Jardot sur les sceaux des princesses de Hainaut et de Flandre, et une mention spéciale, on va retrouver les femmes artistes, a été attribuée à Chloé Darcy pour son travail sur Marie Taglioni, la ballerine romantique du 19e siècle. Et Chloé Darcy, dans ce travail, reconstruit sa carrière, les réseaux véritablement que Marie Taglioni a mobilisé, réactivé tout au long de sa carrière. Parce que les femmes ne sont pas des victimes, elles sont aussi des actrices pleines de leur carrière. Donc il faut aussi parler, on dirait, pour faire les choses à l'américaine, d'empowerment, évidemment. C'est-à-dire de capacité d'agir, capacité comme on dit. D'agir, lutter contre l'autocensure, saisir les occasions aussi qu'offrent aujourd'hui, hein, je parle aussi pour les musiciennes d'aujourd'hui, qu'offrent les institutions musicales, déposer des dossiers de financement, de coproduction, etc., etc. Alors justement, puisque on est en train de discuter de ces femmes et de ces compositrices, on peut dire qu'elles ont des difficultés. Vous parliez à l'instant même de Maria Rosa Coccia, qui entre dans une grande période de silence. On ne sait quasiment rien d'elle. On a retrouvé quelques morceaux de musique écrits en 1783, je crois, à Naples récemment. Et puis ensuite, elle mourra au début des années 1830, je crois. Et c'est à ce moment-là qu'on la retrouve après un long temps de silence, dont on ne sait pas d'ailleurs de quoi il a été empli, par quoi il a été empli. Est-ce qu'elle avait une vie à côté? Est-ce qu'elle avait une vie de musicienne cachée? Est-ce qu'elle était professeure de musique? On n'en sait pas grand-chose. Et en tout cas, à la fin de sa vie, elle demande l'aide de ses anciens collègues et de cette académie de Sainte-Cécile à Rome qu'elle avait réussi à pénétrer la première en tant que femme. Parce qu'elle va mourir dans la misère, et c'est une année avant de mourir, parce que je crois qu'elle meurt en 1833. Donc ce sont des destins aussi qui sont des destins difficiles aussi, même oui, si il y a cette volonté de se battre. Absolument tragique, et c'est précisément à l'aune de, enfin en examinant la requête qu'elle soumet à bout de ressources, à bout de souffle à l'Académie Sainte-Cécile, qu'on peut supposer qu'elle a effectivement vécu un temps des leçons de musique qu'elle pouvait donner aux familles romaines. Et si vous me permettez, je voudrais, puisqu'on évoque l'Académie de Sainte-Cécile, je voudrais évoquer la couverture de votre du livre. La musique Athènes à Jean. Alors c'est une Sainte-Cécile classique, on la connaît cette Sainte-Cécile, mais transformée par une artiste contemporaine. Transformée par une artiste peintre, Joëlle Marioux, qui s'est inspirée alors du tableau célébrissime de Sainte-Cécile, le tableau Sainte-Cécile de Guido Reni, du début du XVIIe siècle. Donc une sainte en robe rouge tenant devant elle son violon dont elle joue. Mais elle aimerait en jouer, mais son violon n'a plus de cordes, mmh. et le visage même de la musicienne était vidé, elle est effacée, et au fond, c'est une sorte de représentation visuelle très saisissante de l'invisibilisation des femmes artistes, mais aussi ce rouge vif est une façon de remettre à feu les enquêtes sur ces femmes artistes et de d'aller contre l'oubli. Donc merci à Joëlle Mariou de nous avoir offert ce beau tableau pour ouvrir le livre. Un extrait d'une composition de Pauline Viardot, sonatine allegro pour violon et piano, interprétée par l'orchestre de chambre de Diana Ambach. Nous sommes avec vous, Mélanie Traversier, à propos de notre semaine consacrée aux femmes artistes et d'une émission qui est consacrée, elle, à la question de la musique à l'occasion de la parution dans quelques jours de La musique est-elle un genre, un ouvrage collectif que vous avez co-dirigé avec Alban Rameau aux éditions de la Sorbonne. D'ailleurs, on me signale immédiatement sur mon téléphone que et sortira demain Compositrice l'égalité en acte avec Laure Marcel Berlioz aux éditions MF. On peut le rajouter effectivement à ce travail collectif que vous avez mené avec d'autres, Mélanie Traversier. Comment sait-on au bout du compte quels sont les obstacles que traversent les compositeurs ou les compositrices et les musiciennes dans leur pratique professionnelle? Généralement, ça passe, comme beaucoup d'autres choses, par la justice, par la police, par les registres de police. Et vous en avez retrouvé à Naples, par exemple, des conflits entre employeurs et employés et eux, de théâtres napolitains, de groupes de concerts, etc., etc. Oui, les sources judiciaires sont des mines documentaires pour reconstituer les carrières des musiciens et des musiciennes. Et notamment pour traquer aussi les stéréotypes qui encombrent les parcours des chanteuses, notamment d'opéra. Alors dans la Naples des Lumières, c'est flagrant, mais aussi pour les femmes qui se produisent à l'opéra de Paris. Je vous renvoie aux travaux de Raphaël Legrand ou encore aux travaux de Bertrand Porot sur l'opéra comique. Il y a toute une série évidemment de remarques qui, dans les procès-verbaux de ces archives judiciaire évoque le caractère évidemment capricieux de ces musiciennes, leurs exigences exorbitantes. Vous parlez par exemple de, en mars 1792, dans un article qu'on peut trouver en ligne sur le excellent site Criminaux Corpus, vous parlez de la chanteuse Anna Coltellini qui est en bagarre avec son impresario Giuseppe Colletta sur des questions d'argent, simplement, de rémunération, et elle menace d'aller chez un autre, dans un autre théâtre, celui d'un autre théâtre, parce que simplement, elle ne veut pas être aussi maltraitée qu'elle l'est avec cet impresario. Oui, il y a des inégalités de cachet, on dirait aujourd'hui peut-être des inégalités salariales très fortes entre musiciens et musiciennes dans l'Europe des Lumières. Et du point de vue des discours, ce qu'il est intéressant de relever, c'est que les mêmes commentaires dégradants, disqualifiants, sont assignés aussi bien aux chanteuses qu'aux castrats. Ah oui. Ah ben oui, bien sûr, parce que les castrats sont en quelque sorte ont des comportements quelque peu féminins, donc on retrouve leur caractère évidemment capricieux. Dans l'idée de l'époque, effectivement, on les assimile les uns aux autres ou les unes aux autres. Dans un certain nombre de commentaires, les castrats restant à cette époque les têtes d'affiche, néanmoins les mieux rémunérées de la scène musicale. Et cela, c'est, on le trouve en tant qu'historienne grâce au registre de l'Udienza Generale di Guerra e Casa Reale de Naples, qui est, dites-vous, une sorte de tribunal pour le spectacle, en fait. Oui, les artistes sont traduits devant une juridiction particulière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette juridiction était d'abord associée au monde militaire. Ce qui montre aussi, évidemment, les préoccupations en termes d'ordre public que le monde du spectacle soulève. Donc, moi, j'ai réexaminé ce qu'il reste de cette documentation assez aride, par ailleurs judiciaire, pour recomposer, en quelque sorte, le milieu musical napolitain au XVIIIe siècle, les conflits qui le traversaient. Et la place des femmes. Et la place des femmes aussi, bien entendu. Et, évidemment, qui sont généralement, puisqu'elles sont dans le spectacle, soupçonnées d'immoralité. Bien sûr. Ce sont des femmes qui en chantant, enchantent, évidemment. Donc, qui en sorcellent. Et il y a toujours ce soupçon de détournement moral qui pèse sur les musiciennes, du reste, comme sur les chanteuses et les danseuses. Sur les comédiennes et les danseuses. Exactement. Évidemment. Et évidemment, est-ce que ça va évoluer au fur et à mesure du temps? On voit peut-être arriver une plus grande quantité de compositrices. L'article de Florence Launay dans votre livre collectif « La musique a-t-elle un genre ?» y insiste, les compositrices, elle est spécialiste de ces compositrices et des musicographes du 19e siècle, et elle essaye de comprendre comment les musicographes du 19e siècle parlent de ces compositrices qui peuvent être Sophie Gale, Louise Bertin, Eloïsa Puget ou encore Louise Farinck. Comment elles sont perçues par les musicographes de l'époque, comment elles sont classées, parce que classification qu'il est mineur dans une sorte de hiérarchie musicale, elle est aussi pratiquée, et c'est ce qu'on comprend en lisant ce livre collectif, par des musicographes femmes qui prennent des noms d'hommes pour pouvoir dire du mal de leurs collègues ou de celles qui composent au même moment. Oui, alors Florence Launay est une des premières historiennes de la musique à avoir consacré une œuvre spécifique à l'histoire des musiciennes. On peut citer son ouvrage de référence, Les compositrices au XIXe siècle, donc qui est véritablement une enquête sur une cohorte, en quelque sorte, qu'elle a reconstituée à partir d'une documentation très vaste, des chroniques, les critiques, des témoignages, etc., etc. Et là, donc, dans l'ouvrage collectif que j'ai dirigé avec Alban Rameau, elle revient sur la presse musicale et la façon dont les critiques musicographes, donc des véritables experts de la chose musicale, analysent, commentent et dénigrent au fond aussi les œuvres des musiciennes. Une, façon de, dénigrer, c'est... une façon de dénigrer, par exemple, c'est de dire « ce sont des très bonnes pédagogues ». Ah, évidemment. Alors ça, donc c'est... voilà, on les voit très bien comme étant professeurs de piano dans un conservatoire. Ben oui, bien sûr. Hélène de Montgeroux, qui pourtant a été là une des premières femmes professeurs au conservatoire de musique, hein, mais qui n'était pas que professeur, qui a été une compositrice hors pair, hein, eh bien, est ramenée dans les articles, dans l'histoire savante, jusqu'au travail. Récents, par exemple, de Florent Badol-Bertrand, est ramené à son rôle de professeur de génie masculin. Vous évoquiez tout à l'heure le cas de musicographes femmes. Oui, les femmes ne sont pas forcément solidaires Antoinette avec les femmes Marie artistes. Bobillier, c'est pas voilà. Bien. Alors, Antoinette Marie Bobillier, alors elle est extraordinaire parce qu'elle publie sous le nom de Michel Brenet. Au masculin, Michel. Au, voilà, absolument. Et alors même qu'elle avait, c'est une spécialiste hors pair de la chose musicale, eh bien, elle était en capacité de mesurer l'originalité de ses œuvres composées par des femmes. Et elle est l'une des plus féroces, en quelque sorte, misogynes, à l'égal, par exemple, d'Arthur Pougin. Enfin, c'est assez étonnant de voir à quel point elle reprend à son compte une vision absolument figée, essentialiste, de la différence des sexes, telle qu'elle s'exprime aussi dans la musique. Après avoir dit autant de mal, effectivement, de ceux et de celles qui ne comprenaient pas, effectivement, la place de ces compositrices et de ces musiciennes dans leur temps, est-ce que ça a changé? Est-ce que ça bouge? Alors, vous nous disiez au début que les statistiques de la SACEM ne sont pas très optimistes, mais il y a peut-être aussi la question de la visibilisation, de l'affirmative action, la façon de mettre en avant, effectivement, peut-être plus fréquemment aujourd'hui qu'hier, les œuvres des compositrices que ça n'était fait il y a maintenant 30 ou 40 ans. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est... Oui, ça bouge. La preuve, au mois d'octobre, le Festival et Conventions des musiques dans le marché actuel a organisé plusieurs tables rondes consacrées aux inégalités femmes-hommes dans le marché musical. Il y a un premier réseau de professionnels, alors des tourneurs, des producteurs, des maisons de disques, mais aussi la SACEM, la DAMI, qui tentent de constituer justement des groupe de travail pour œuvrer à plus de parité en matière musicale. La SACEM elle-même a créé un groupe de travail sur les inégalités femmes-hommes dans ses activités. Donc on peut que s'en réjouir. Et puis les femmes artistes elles-mêmes montent au créneau, évidemment, peuvent à leur tour faire connaître des femmes musiciennes. Vous évoquiez tout à l'heure les victoires de la musique classique. Mais regardez, vendredi soir, les victoires de la musique, pop, rock, rap, etc. Clara Luciani qui a été primée pour son magnifique La Grenade. Charge subversive et féministe, s'il en est. Effectivement. On peut Jeanne citer, Haddad également. Eh ben, bien sûr, on peut citer aussi Laurie Anderson qui évoque Sarah Nancy dans un très le bel volume. Article. Passionnant article, son Superman, le Superman de Laurie Anderson, est en fait une déconstruction absolument magistrale du Massenet, enfin du Cid de Massenet, qui est lui-même, évidemment, reprend le Cid de Corneille. Et alors là, la virilité telle qu'on croit qu'elle se constitue et qu'elle est historiquement figée, en prend un petit coup. Merci beaucoup Mélanie Traversier d'être venue ouvrir cette semaine donc à propos du livre qui sort dans quelques jours aux éditions de la Sorbonne, La musique a-t-elle un genre? Je rappelle que vous êtes aussi l'auteur de la publication du journal d'une reine, Marie-Caroline de Naples dans l'Italie des Lumières, et que vous avez fait votre thèse sur l'opéra napolitain, Naples, qui est aussi un travail récent. Vous avez travaillé récemment sur Naples à l'heure française, avec un livre collectif aussi au dos. Oui, absolument. Aux presses universitaires du Septentrion, avec Igor Moulier et Pierre-Marie Delpu, nous avons piloté un ouvrage collectif sur le royaume de Naples à l'heure française, donc sur le Decennio Francese, que j'aurai d'ailleurs l'honneur d'évoquer à l'Institut culturel italien ce jeudi 14 février à 19h. Voilà. Vous êtes les bienvenus, ainsi qu'au concert du 23 mars. Merci beaucoup, Mélanie Traversier. C'était une artiste et nous voulions, en toute fin de cette émission, lui rendre rendre hommage. Elle était, j'ai appris sa disparition hier, elle s'appelait Katharina von Bülow, une très grande danseuse qui ensuite avait eu une carrière très longue dans la presse, dans l'édition et également à France Culture. Elle était l'auteur de très grandes émissions de radio comme Les bons plaisirs de Daniel Cohn-Bendit, d'André Glucksmann, de Cornelius Castoriadis, de J.B. Pontalis ou encore d'Emmanuel Levinas, que vous pourrez peut-être retrouver sur le site de l'INA. Elle était également l'auteur des À voix nue de Marthe Robert, de Paul Ricoeur, de Heinz Wissmann, de Marcel Gaucher, de Beate Klarsfeld. C'était une très grande productrice. On a appris sa disparition hier et on la salue de façon très, très appuyée parce qu'elle était aussi, elle avait travaillé à la Fabrique de l'Histoire, au tout début de la Fabrique de l'Histoire. C'était en l'an 2000 pour un très beau documentaire sur le poids de la mémoire en Allemagne qu'elle avait réalisé avec Véronique Lamandour et avec Michael Werner et sa famille. C'était un très beau documentaire qui avait obtenu le prix d'honneur du Haut Conseil franco-allemand en catégorie radio en 2001. Voilà, nous saluons sa mémoire de Katharina von Bülow, dont on a appris la disparition et qui est donc dont les obsèques ont lieu cet après-midi à Paris au Père Lachaise. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Marion Dupont et Aurélie Marcet, ainsi que Céline Leclerc. Jean-Frédéric était avec nous aujourd'hui à la technique et Séverine Cassard à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez discuter avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse suivante, Fabrique FC. Fabrique FC, demain nous parlerons des femmes artistes et après-demain nous évoquerons la question des femmes écrivaines et autrices.